Mais les nages, caoutchouc, pharmacie, rêve, rideaux écartés du haut des balcons de grève, devant l'océan de toiture des faubourgs, lampes, estampes, thé, petits fours, serez-vous pas mes seuls amours? Oh, et puis, est-ce que tu connais, outre les pianos, le sobre vestéral mystère hebdomadaire, des statistiques sanitaires dans les journaux? Non, non, c'est la saison, et la planète falote. Que l'OTAN effiloche les savates, que le temps se tricote. C'est la saison, ô déchirement, c'est la saison. Tous les ans, j'essaierai en cœur d'en donner la note.